parle de mes blessures, je suis déçu mais toujours au paix. Flow aiguisé comme l'épée, je viens pour abattre, me compare pas à ceux d'à côté. Je regarde le ciel, pas d'étoiles, je vois que les balles des métaux. Du coup tous les jours j'ai tout sauf envie de me lever tôt. J'ai écrit mes textes au crayon à papier. Au moins demain je gommerai tout si je veux plus briller. T'as du mal à t'en sortir, t'as vite trop déjà parti. T'as des problèmes. Pas, je te défendrai si on t'accuse. Faudrait qu'on parte là, sera juste pour l'au-delà. Ici je me sens enfermée, incomprise comme Mandela. Un monde de fou, un monde de tordu. Je m'en fous dans le fond, je garde le cœur blanc comme Gandhi. Je fais pas partie des faux. Je fais pas partie des faux, du coup j'assume tous mes défauts. J'essaie de me démarquer, je veux pas faire partie de la déco. Y'a des échos, sur moi c'est des mythos. J'ai essayé de comprendre, j'ai conclu qu'ils sont schizo. Je tire le rideau, je veux plus voir la misère en bas. Y'a pas de veto, je tourne en clio, toi t'étonnes pas. Ça va vite, la vie donc je fais les sympas. J'arrive dans le game avec les sourcils français. T'as du mal à t'en sortir, t'as vite trop de gens partis. T'as des problèmes de famille.